Moi, dans le style, ça me faisait pas mal penser à la formation écossaise qui n'existe plus maintenant, Cerebral Bore. Pardon. Groupe Chillon, on en écoutera d'autres. Juste pour situer un peu, Decrepit Cadaver, ça nous vient du nord du pays. Ça vous permettra de quadriller un peu le truc pour vous dire qu'en fait, ça peut venir d'à peu près partout. Et pour le coup, ils sont signés sur un label américain. Pas de focus ce soir, parce que du coup, l'ami Thibaut n'est pas là pour cette 500e en direct. Mais c'est pas grave, avec Sylvain, on se partage un peu le micro. Et oui, on le retrouve de nouveau en direct sur les ondes du 93.6. Et il vient vous parler d'une autre formation chilienne. Exactement. Alors, il s'agit du groupe Elish, un groupe de black net trash qui nous vient de la région de Santiago. Donc là, on est plutôt situé dans le centre du pays. Alors, c'est un groupe qui est actif depuis 2010 et qui a sorti son troisième album le 16 décembre chez Dying Victim Productions. Excusez du peu. Voilà, donc là, c'est un des labels de référence européen pour ce qui est du metal underground venu d'un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est une signature qui est vraiment parfaite parce que Elish nous propose de l'old school, un espèce de black net thrash speed énormément influencé par les groupes allemands. Notamment, ça pue les vieux Creator, les vieux Sodom. C'est très old school. Et en même temps, ça a une haine, une rage qui est, on peut dire, typiquement sud-américaine. C'est comme si en fait ils étaient restés bloqués dans les années 80. Et déjà à l'époque, on avait plein de groupes excellents dans cette veine-là, proto-black, trash. Et en fait, c'est les dignes héritiers de tous ces groupes, que ce soit les groupes chiliens, brésiliens, colombiens, qu'on retrouve encore aujourd'hui actifs, qui parfois même tournent en Europe, viennent. Coucou Catharsis Assaut. Exactement. Donc voilà, alors Elish, donc là c'est un style un petit peu différent de Decrepit Cadaver qui a une approche un peu plus moderne dans le son. Là on est sur un truc de quand même beaucoup plus old school, avec pareil, un visuel vraiment à l'ancienne, assez détaillé, vraiment chouette. Donc sans trop tarder, on va s'écouter un extrait, parce qu'on a intégré le groupe, je crois que ça va être la semaine dernière. Donc l'album s'appelle The Dance of the Four Elemental Serpents, donc une sortie Dying Victim Productions. Et puis on va essayer, vous voyez tout de suite le morceau Black Stones. C'est parti! Yeah. Retour à la discussion et à la présentation. Et on clôture le chapitre chilien avec Esophagus. Vous avez probablement, pour ceux qui suivent un peu l'émission et tout ce qu'il y a autour, suivi l'évolution de ce groupe assez soutenu en Europe. Parce que en Europe, on aime bien le slam death, on aime bien le slam death un peu moderne, mais pas trop. Et justement, Esophagus, c'est du slam death un peu moderne, mais pas trop. Le groupe existe depuis 15 ans maintenant. Ils viennent de Concepción, dans la région de Biobío. Et là, pour le coup, on a fait le nord, le centre. Et là, on est plutôt du côté du sud du Chili. Un peu comme Decrepit Cadaver, Esophagus, c'est ultra brutal. C'est grosse prod. 8 titres... 9. Je m'embrouille. 9 titres pour une grosse vingtaine de minutes. Et l'album est sorti le 24 décembre. Coucou, c'est nous. Esophagus, ça a été une ribambelle de démos, d'EP, etc. Le nom le plus connu qu'on a pu avoir sur le premier EP en guest, c'était monsieur Mark Rawls de Guttural Engagement. Et grosse erratum de ma part, j'étais même persuadé qu'il avait assuré la partie vocale à un moment dans le groupe. Et Esophagus, au tout début, se tapait un gros délire autour du Predator. Exit le Predator, puisque là, sur ce nouvel effort studio, on parlait des Crypt Cadaver qui étaient signés sur un label ricain, là ils sont signés sur un label russe spécialisé dans le style, et au niveau de l'artwork, et tout simplement, ils fonctionnent avec monsieur Eliran Cantor. Ouais, et alors ça, c'est assez énorme, parce que Eliran Cantor, c'est en fait c'est un gars qu'on retrouve quasiment tous les mois sur responsable de cover... d'artistes généralement plus connus, puisqu'il a fait notamment des visuels pour Testament, pour Crowbar, Evan Shelburne, Malévolence, Venom Prison, donc pas mal de groupes bien établis. Et puis là, en fait, c'est un peu une surprise de le retrouver sur un groupe de slam brutal death venu du Chili. Et encore une fois, c'est toujours des visuels très soignés, vraiment réussis. Et ça prouve aussi que finalement, le gars, il peut travailler avec n'importe qui, il s'adapte super bien en fait au contenu des albums. Et ça colle aussi avec les noms des morceaux, en fait, tout simplement. Exactement. Bon, après, lui, en tant qu'artiste, il a effectivement une capacité à s'imprégner de l'ambiance musicale qui est présente sur la galette pour proposer un artwork ultra soigné. Et donc, voilà, encore un groupe venu de ce que, encore une fois, entre guillemets, on va appeler le tiers-monde qui rentre par la grande porte de nos oreilles. Et Esophagus, c'est un groupe qu'il faut s'attendre certainement à croiser un de ces quatre sur la scène du Death Fist en Allemagne, par exemple. Ashes of Sanctity, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de l'album Inglorious Beings, qui est sorti en toute fin d'année dernière. C'est parti. Petite pause dans cette émission un peu spéciale où on donne de l'importance. Alors c'est même pas on donne de l'importance, en fait c'est juste qu'on vous partage notre intérêt pour ces scènes un peu trop laissées pour compte. Mais en même temps, c'est un peu la grosse réflexion un peu globale qu'on pourrait avoir sur le sujet, comme on pourrait l'avoir depuis le milieu des années 80 concernant la musique que l'on aime. Est-ce que c'est pas bien que ça reste dans l'ombre, ces groupes-là, hein? Est-ce que la merde, ça vaut pas le coup que ça reste là où c'est? Parce que sinon, on risquerait de se retrouver avec de la merde peinte avec de l'or. Et du coup, ça perdrait tout son intérêt. Hein? Le caca, ça pue, faut pas que ça soit clinquant. Blague à part, on intègre tout de suite maintenant l'aspect française. Avec en ouverture de cette spé française un groupe tourangeau, Dragwald, qui nous a offert sa release party pour ce troisième effort studio intitulé Black Moon Falls, sorti il y a une douzaine de jours. C'est vrai qu'il est sorti toute fin de semaine, juste avant leur release party. Dragwald, c'est du mélodique pagan death, très très très inspiré par la scène scandinave, bien évidemment. Et donc hier, ils étaient au bateau ivre en compagnie de Totterfish et Tungunchka, pour présenter ce troisième effort studio. Deux, trois incidents techniques, cependant une foule massée devant la scène, une foule réactive. Ça fait toujours plaisir de voir des gens remplir des beaux espaces à Tours. Et donc voilà, le bateau ivre a su gérer cette superbe soirée. Devouring the Living Sun, c'est le titre de Dragwald qu'on va s'écouter tout de suite. Et en doublette avec Dragwald, les Parisiens de Joe Craig qui sortent leur nouvel EP, Building Gallows. Donc voilà, une formation francilienne de hardcore, 7 titres pour une quinzaine de minutes. Et plusieurs fois, on retrouve la vocaliste de Iron Deficiency, Angus Vocals. Et on s'écoute tout de suite Sweet Talkers. Let's go! Retour à la musique, enfin retour à la musique, on ne l'a jamais vraiment quitté, cela dit, avec Barabbas, qui a été un des derniers super chic focus de l'année 2022, si je ne m'abuse. Je reprends mes petites infos, hein. Au début d'année, on teste de nouveaux outils et de nouvelles manières d'organiser l'émission pour rendre ça le plus fluide possible, et on peut du coup se rendre compte que c'est absolument pas le cas. En ce qui me concerne, où est la feuille d'info ? Voilà, elle est ici. Barabbas, donc, on est sur du Doom ultra cool, mais du Doom même plus, qui nous vient de région parisienne. Comme je disais, un chouette focus pour présenter ce nouvel effort studio, La mort appelle tous les vivants. Déjà, on est sur un titre d'album hyper accrocheur. On est sur un chant hyper... entraînant, pas dans le sens où c'est hyper festif et convivial, dans le sens où c'est un chant hypnotique et hyper présent, Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 7 morceaux plus intro outro, 1 heure de contenu. Voilà, on est sur un doom assez axé sur les riffs. C'est pas juste de la lenteur et de la lourdeur, hein, c'est coucou Black Sab. Des textes donc en français, donc en plus on comprend tout ce qui se passe textuellement. Voilà, le groupe a une quinzaine d'années. Il nous sort là un très très bon second album studio. 8 ans séparent la mort de tous les vivants. La mort appelle tous les vivants de son prédécesseur. Et on s'écoute le morceau, le Saint Riff Redemptor, Hands Up. Retour avec la petite spéciale pour ce soir. Après avoir voyagé du côté du Chili, en vous présentant trois groupes de trois styles à peu près différents, de trois régions chiliennes différentes, on passe maintenant du côté... Non, pas du tout, je suis en train de m'emballer. Non, on n'est pas encore en Afrique, là. On est encore en France. Je pars, c'est let's go, quoi. Alors, bientôt. Pardon, oui, putain, je suis en train de... Je m'excuse, hein, je l'ai dit, la fatigue de ce soir est fort présente. On reprend le bon doc et on part, du coup, du côté des limbes. Oh, le rattrapage, la glissade. La nouvelle nouveauté de ce soir. La nouvelle nouveauté, oui. Bah, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Limb ? Eh ben, c'est un one-man band, un projet de Black Atmos francilien qui a pris la relève après le groupe Blurthrower. Blurthrower, en fait, c'est le nouveau nom de ce projet, donc qui était déjà un projet solo parisien, qui était à l'époque signé chez les Acteurs de l'Ombre. Et le nom a changé, mais pas la collaboration entre le groupe et le label. Et donc Limb vient juste de sortir ce vendredi son premier album. C'est un 4 titres, donc des compos longues qui font entre 7 et 15 minutes. Et on est sur un black metal assez raw et cru, aussi bien dans l'approche qu'en termes de production. Ça sonne assez sale, même limite lo-fi pour le coup. Alors je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, le rendu sonore n'est pas forcément toujours top. Mais au moins, ça nous plonge vraiment dans une ambiance, quelque chose de sombre, très mélancolique et un petit peu malsain. Donc voilà, c'est une expérience un petit peu spéciale, mais c'est pas inintéressant à s'envoyer. Ouais, puis surtout si les Acteurs de l'Ombre ont maintenu le deal, c'est que derrière, la qualité est présente. Et en doublette avec Limb, on aura Morgue, groupe de Gordes qui nous vient du sud de la France. Pour rappel, c'est exactement le même line-up que Corrupteur, qui a sorti un album Coucou c'est nous en 2022, il y a un an, et qui était ultra cool. Cependant, historiquement, Morgue est vachement plus vieux, puisque le groupe a été surtout actif de 1997 à 2005. Puis ils ont sorti un troisième album, enfin blablabla, on avait déjà fait toute l'histoire. Et là, voilà, on est sur un véritable nouvel effort studio de death bien brutal, crado, radical. 8 titres pour une trentaine de minutes. Et une nouvelle similitude avec Corrupteur, c'est qu'on retrouve Ménard, ex-membre de Mutilation, qui vient poser quelques backing vocaux par-ci par-là. Voilà, donc juste pour la petite précision, en fait, c'est un nouvel album, en fait, c'est le réenregistrement du précédent qui datait quand même de 2016. Et apparemment, ils n'étaient pas assez satisfaits, du coup, ils ont décidé de le réenregistrer, de faire vraiment un nouveau lifting. Et donc c'est un nouvel effort, c'est crade, c'est brutal comme tu l'as dit, ça sonne bien, ça rappelle un petit peu Corrupteur en plus brutal. Donc du coup de Limb on va s'écouter le titre Corridor, extrait de l'album Écluse. Et puis ensuite Morgue, le morceau Roads to Gehenna, et l'album s'appelle L'OS Depths of Misery. Et ben voilà, tu fais ça très bien, c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante qui va nous permettre de clôturer l'aspect française. Et juste avant ça, petite annonce de concert à venir le samedi 28 janvier. C'est pas souvent que Catharsis nous offre des dates en week-end, donc voilà, c'est l'occasion d'y aller encore plus nombreuses et nombreux que d'habitude. Samedi 28 janvier, donc, Catharsis Asso organise au Canadian Café la venue de Lunar Tombfield, groupe de black metal qui nous vient de région nantaise. Ils seront accompagnés de Cercle Mortuaire. Ne cherchez pas d'infos, vous n'en trouverez pas. C'est un collectif black metal tourangeau qui a vu le jour il y a quelques années. C'est hyper intéressant ce qu'ils proposent comme concept. Donc voilà, soyez présentes et présents à la soirée parce que bah, il y a de très très bonnes choses à découvrir ce samedi 28 janvier. Toujours 5 balles, hein, menées par Catharsis au 19h30-20h. Et puis une nouvelle date vient de gicler du côté de Catharsis le 24 mars avec la venue de Ultra Sylvam, formation de black suédoise, et un autre groupe qui nous vient d'Allemagne dont j'ai mangé le nom. Mais bon, c'est dans 3 mois, on aura largement le temps d'en reparler d'ici là. On clôture donc, comme j'annonçais, l'aspect française avec tout d'abord Reigando, formation de post-metal sludge qui nous vient de la région Rhône-Alpes, active depuis une demi-douzaine d'années. Ils viennent tout juste de sortir leur second album studio, un album généreux, puisqu'on retrouve 12 titres pour environ une heure de musique. Musicalement, c'est bien pesant, avec des lignes vocales à la Amenra. Voilà, c'est criard, angoissant et étouffant. On retrouve ensuite Civilian Thrower, groupe de grind ultra vénère qui nous vient de Lyon, actif depuis 2020. C'est une toute jeune formation qui compte dans ses rangs le gueulard de Warrus Nation. Voilà, ils nous sortent là 13 titres pour 13 minutes. Voilà, un gros EP ou un album un peu court. C'est radical, c'est frontal, et on s'écoute donc une doublette dans la doublette. Dive into the Flames, signé Reigando, de l'album Après nous, le silence. Civilian Thrower, ensuite Blocked Wheel, enchaîné à Raiding Rascal, extrait de l'album Tributed Showroom. Une sortie toujours, l'Exiviat Records, c'est parti. Yeah! Thank you.